Et nous tenions table nouvelle, printemps venu, printemps parti, dans ce Saint-Guy ou Tarentelle, hiver disons, hiver fini. Les dieux païens qui furent les nôtres forçaient le bal jusqu'au matin. Trogne de feu, gosier d'apôtre, nous étions rire, pleurs et chagrin. Le temps n'est bien que paille et ça, l'amour y est. Tu vois, tout fut écrit comme une femme. L'amour miaulait, je crois. Saute mouton, berger, bergère, automne aux pluies, automne aux vents, à pieds légers, jambes légères, aux nuits d'été, les nuits brûlantes. Autant nouveau, la jouvencelle bravait la peur et l'interdit. Entre minuit et jardelle, servait le sel et pain béni. Le temps n'est bien que paille et sel, l'amour youlait. Tu vois, tout fut écrit comme une fable. L'amour qui a fait, je crois. Quand fut venue la primevère, puis nos répits, nos noisillons, la fleur de mai se mit en guerre, et la chenille en papillon. Martre et pinceau, noué la ronde, masse et ciseaux, gravait le vent, et nous rêvions d'un nouveau monde, une toison d'or pour les amants. Le temps n'est bien que paille ça, l'amour vivait, tu vois, tout fut écrit comme une femme, l'amour veillait, je crois. Puis vint le temps des coupes sons, car ils ont fui nos jeux d'enfants. Nous nous savions bien petit nom, le froid nous vint par le ponant. La veine rouissait ses algues vertes, quand le banquet fut desservi. De portes closes en tombe ouverte, nos cœurs se sont vêtus de gris. Le temps n'est bien que paille et ça, l'amour pleurait. Tu vois, tout fut écrit comme une fable. L'amour est mort, je crois.